5. La signification de l'aura spirituelle dans les pratiques spirituelles. En matière de spiritualité, le concept d'aura spirituelle revêt une grande importance. Ce champ d'énergie invisible qui entoure notre corps physique est considéré comme le reflet de notre moi intérieur et de l'essence de notre esprit. Comprendre et travailler avec l'aura spirituelle peut grandement améliorer nos pratiques spirituelles et nous rapprocher d'un sens plus profond de la conscience de soi et de la connexion au divin. 5.1. Rôle de l'aura spirituelle dans la méditation et la pleine conscience. Dans le domaine de la méditation et de la pleine conscience, l'aura spirituelle joue un rôle important. Au fur et à mesure que nous calmons nos esprits et que nous nous tournons vers l'intérieur, nous devenons plus à l'écoute de l'énergie en nous et autour de nous. L'aura agit comme un conduit, absorbant et émettant des vibrations, nous permettant d'accéder à des états de conscience supérieurs. En nous concentrant sur l'aura pendant la méditation, nous pouvons mieux comprendre notre propre énergie et les changements subtils qui se produisent en nous. 5.2. Améliorer les connexions spirituelles à travers l'aura. L'aura spirituelle sert également de pont entre les individus et les royaumes spirituels. Lorsque nous interagissons avec les autres, nos auras s'entremêlent et échangent de l'énergie. Cette connexion peut approfondir notre compréhension des autres et créer un sentiment d'unité et d'unité. En cultivant une aura forte et dynamique, nous pouvons améliorer notre capacité à nous connecter avec les autres sur le plan spirituel, favorisant des relations plus profondes et une croissance spirituelle. 6. Cultiver et purifier l'aura spirituelle. Comme tout autre aspect de notre bien-être, l'aura spirituelle nécessite des soins et de l'attention. Cultiver et nettoyer l'aura est essentiel pour maintenir sa vitalité et assurer un bon flux d'énergie. Diverses pratiques peuvent aider à purifier et à renforcer l'aura, lui permettant de fonctionner de manière optimale. 6.1. Pratique de nettoyage et de purification de l'aura. Pour nettoyer et purifier l'aura, on peut s'engager dans des activités telles que la purification avec des herbes sacrées, la prise de bain de sel, la visualisation de la lumière nettoyante ou la pratique de la respiration. Ces pratiques aident à éliminer toute énergie stagnante ou négative, rétablissant l'équilibre et l'harmonie de l'aura. 6.2. Technique de renforcement et de protection de l'aura spirituelle. Pour renforcer et protéger l'aura spirituelle, des pratiques comme les soins énergétiques, comme le Reiki ou la thérapie par le son, peuvent être bénéfiques. De plus, s'engager dans des activités qui apportent joie et épanouissement, pratiquer les soins personnels et établir des limites énergétiques peuvent aider à maintenir l'intégrité et la résilience de l'aura. 7. Interaction et connexion entre les auras spirituelles des individus. Nos auras spirituelles ne sont pas des entités autonomes. Ils interagissent constamment avec les auras de ceux qui nous entourent. Comprendre comment ces interactions se produisent peut fournir des informations précieuses sur nos relations et notre bien-être général. 7.1. Explorer la compatibilité et la résonance de l'aura. La compatibilité des auras fait référence à l'interaction harmonieuse entre deux ou plusieurs auras. Lorsque nos auras résonnent les unes avec les autres, un sentiment d'empathie, de compréhension et de connexion apparaît. Reconnaître et entretenir des relations avec des auras compatibles peut favoriser la croissance personnelle et le développement spirituel. 7.2. Guérison et équilibrage par l'interaction de l'aura. L'interaction de l'aura joue également un rôle crucial dans la guérison et l'équilibrage. En nous engageant consciemment avec les auras des autres, nous pouvons échanger de l'énergie positive, promouvoir la guérison et nous soutenir mutuellement dans nos voyages spirituels. Cette interaction peut prendre plusieurs formes, y compris des séances de guérison énergétique, des discussions spirituelles ou même des actes de gentillesse et de compassion. 8. Exploiter le pouvoir de l'aura spirituelle pour la croissance personnelle et la guérison. Comprendre et exploiter le pouvoir de l'aura spirituelle peut avoir des effets profonds sur notre croissance personnelle et notre parcours de guérison. 8.1. Utiliser l'aura dans l'auto-réflexion et l'auto-amélioration. En prêtant attention aux changements et aux modèles de notre aura, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur nos émotions, nos pensées et nos comportements. Cette conscience de soi nous permet d'identifier les domaines à améliorer et d'apporter des changements positifs dans nos vies. 8.2. Pratiques de guérison et thérapie impliquant l'aura spirituelle. De nombreuses pratiques et thérapies de guérison intègrent l'aura spirituelle. Du nettoyage de l'aura et de l'équilibrage des chakras à la guérison des cristaux et aux lectures d'aura, Ces modalités peuvent nous aider à résoudre les déséquilibres énergétiques, à libérer les blocages et à promouvoir le bien-être général. En conclusion, l'aura spirituelle a une immense importance dans la spiritualité. En comprenant, en cultivant et en travaillant avec notre aura, nous pouvons approfondir nos pratiques spirituelles, améliorer les liens avec les autres et exploiter son pouvoir pour la croissance personnelle et la guérison. Alors, pourquoi ne pas embarquer dans un voyage pour explorer et embrasser le monde vibrant de l'aura spirituelle? L'aura spirituelle est un aspect captivant et profond de la spiritualité, offrant une fenêtre sur les dimensions invisibles de notre être. En développant une compréhension de l'aura spirituelle et en perfectionnant notre capacité à la percevoir et à interagir avec elle, nous pouvons nous lancer dans un voyage de découverte de soi, de guérison et de transformation. Que ce soit par la méditation, le travail énergétique ou la prise de conscience, embrasser l'aura spirituelle peut conduire à une connexion plus profonde avec nous-mêmes, les autres et le divin. Puisse cette exploration de l'aura spirituelle vous inspirer à vous embarquer sur un chemin de croissance spirituelle et à libérer le potentiel illimité à l'intérieur. Foire aux questions, FAQ. 1. Tout le monde peut-il percevoir l'aura spirituelle? Percevoir l'aura spirituelle est une compétence qui peut être développée avec la pratique et la formation. Alors que certaines personnes peuvent naturellement avoir une sensibilité accrue à l'énergie et à la perception de l'aura, n'importe qui peut apprendre à sentir et à percevoir l'aura spirituelle avec dévouement et patience. 2. Les couleurs de l'aura spirituelle sont-elles toujours les mêmes pour tout le monde? Non, les couleurs de l'aura spirituelle peuvent varier d'une personne à l'autre. Les couleurs sont influencées par divers facteurs tels que les émotions, les pensées et le développement spirituel. De plus, les individus peuvent avoir différentes couleurs dominantes ou combinaisons de couleurs dans leur aura, reflétant leur composition énergétique unique. 3. Comment puis-je purifier et renforcer mon aura spirituelle? Il existe plusieurs pratiques qui peuvent aider à nettoyer et à renforcer l'aura spirituelle. Certaines techniques courantes incluent la méditation, la guérison énergétique, la visualisation et le travail avec des cristaux ou des huiles essentielles. Il est important de trouver des pratiques qui résonnent personnellement avec vous et de les incorporer dans votre routine spirituelle. 4. L'aura spirituelle peut-elle affecter les relations et les connexions avec les autres? Oui, l'aura spirituelle joue un rôle important dans nos interactions avec les autres. L'aura peut créer des connexions énergétiques et influencer la dynamique des relations. Comprendre et travailler avec l'aura peut nous aider à naviguer et à améliorer nos relations avec les autres, en favorisant l'harmonie, l'empathie et une compréhension plus profonde. Page 47, nous allons parler de l'aura dans les pratiques spirituelles et énergétiques. Page 47.